Yo les amis, c'est Smaël et bienvenue dans votre émission Happy Dance 35 qui vous fait découvrir chaque semaine le meilleur de la musique EDM, et ce, c'est à travers 2 heures de son non-stop. Alors, comme vous le savez, avant de commencer notre petite émission, on s'intéresse avant, surtout, aux singles qui ont quitté justement le classement des 35 meilleurs titres EDM cette semaine. Alors, à savoir, cette semaine, pas de grand changement, c'était quelque chose à prévoir, encore une fois, et bah, c'est le départ de Skrillex de ce top 35. Skrillex qui atterrit directement à la 37e position cette semaine, et bah il perd donc sa place de titulaire et on le retrouvera peut-être la semaine prochaine selon l'évolution du classement. Et puis en deuxième morceau à nous quitter, c'est encore un single que vous connaissez bien. Eh oui, Instagram des célèbres DJ Dimitri Vegas et Like Mike qui s'amusent à faire le yo-yo depuis des semaines en rentrant et sortant de ce classement. Eh bien, ils sont encore sortis cette semaine, c'est dommage. C'est un bon single, mais c'est pas grave puisque cette semaine, on commence avec quelque chose de nouveau. Sans plus tarder, je vous lance donc le classement de cette semaine avec une nouveauté. Il s'agit de Elder Brook, alias Alexander Koch, un londonien qui a créé ce single Something About You avec Roddy Mantle et qui se place à la dernière position de notre classement. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 35. But staying out all through the night, smoking, drinking, getting high. I was wrong and I have apologized. Where did you go? What can I do? I'm working on my problems, but I need you here to solve them. Where did you go? What should I say? And hope that I can make a change, cause there's something about you keeping me sober. I was driving in the moment, but I'm holding on to you. There's something about you keeping me sober. I was driving in the moment, but I'm holding on to you. There's something about you. The company we had back when I was still on track. Now I'm making my own paradise. But now the drink is tasting strange and the high isn't the same. Well, I'm still wrong and I apologize. Where'd you go? What can I do? I'm working on my problems, but I need you here to solve them. Where'd you go? What should I say? And I need a little more than just the usual. But you should know. What you gonna do? You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? Cause you know I need that. Take it to the back. Maybe take the time to get the floor right. Maybe you can get it for the whole night. I believe in you, know that you're the truth. Here's a little insight. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. Oh, I need a little more than just the usual. You should know, you should know. When you think you've done enough, then you love me harder. Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Then you love me harder. Cause you know I need that. C'est que le début du classement des 35 tubes EDM du moment et j'espère que vous vous faites kiffer. À l'instant, on a eu Jack Jones avec Bebe Rexha sur ce single Harder, classé numéro 34 cette semaine et qui ne bouge pas d'opposition. Voilà, il est bien là où il reste chaud et il a raison puisque l'hiver arrive très rapidement. En tout cas, d'ici quelques minutes, on va écouter du Roberto Suras avec Joyce qui continue malheureusement sa petite descente au fur et à mesure dans ce classement puisque cette semaine, il est 30e et perd 4 positions. Et c'est pas tout, on aura aussi I Wanna Dance de Jonas Blue, toujours aussi dans une descente, en arrivant 31ème cette semaine, extrait. Et puis, on a deux nouveautés là à suivre sur votre radio et dans Happy Dance 35. L'une arrivera tout à l'heure, c'est Fuego de DJ Snake, avec Sean Paul et Anita en featuring avec Tenny, c'est Latino, écoutez. Oh oui, vous le sentez, votre petit popotin en train de bouger, vos fesses aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs peut-être. En tout cas, ça arrive juste après cette nouveauté, c'est Medusa et Becky Hill, ainsi que les Good Boys sur Lose Control. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 33. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling when I'm nowhere near the edge? Just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to call when I lose control? When I lose control, when I lose control, when I lose control, when I lose control.

you all the time. I wanna. C'était Jonas Blue à l'instant, toujours présent depuis 10 semaines dans ce top 35 des hits les plus écoutés eh bien, de la semaine avec I Wanna Dance. On continue avec Roberto Suras, je vous en avais parlé tout à l'heure. C'est Joyce qui a perdu 4 positions cette semaine et qui se retrouve à la 30e position. Hit numéro 30. Bye. Les amis, ça fait 20 minutes que l'on est ensemble et c'est toujours Ismaël pour vous accompagner dans cette émission Happy Dance 35 qui vous fait découvrir chaque semaine un classement bien précis des 35 meilleurs tubes EDM. Alors à l'instant c'était Roberto Suras avec Joyce, et bah restez présents avec moi et surtout n'hésitez pas à aller liker ma page Facebook, en tout cas c'est aussi celle de l'émission principalement et non pas réellement la mienne puisque ça s'appelle Happy Dance 35. Pour la trouver vous mettez Happy Dance 35 ou Happy Dance EDM et voilà, bienvenue sur la page. En attendant, et bah toujours plus de musique à venir avec tout à l'heure en 26e position, en ayant perdu une place cette semaine, ça sera Tiesto, Jonas Blue et Rita Ora sur Ritual, vous connaissez. Un très bon single, présent depuis eh bien plus 20 semaines dans le top 50 des tubes EDM. Et oui, alors ça ne veut pas dire qu'il est depuis 20 semaines dans le top 35, bien évidemment, mais ça fait bien plus de 3 semaines qu'il est présent avec nous. On aura aussi Rehab avec All Around the World, la la la. La la la la la. Allez, ça arrive aussi tout à l'heure en 27e position. C'est une perte de 3 places pour cette semaine sur cette chanson. Et Tiesto God Is a Dancer, ça arrive juste après une nouvelle chanson. Puisque ce n'est pas si nouveau, vous la connaissez en réalité. C'est de Cascade et Megan Trainor, ça s'appelle With You. Ça a perdu 7 places, il était numéro 22 cette semaine. Il se classe numéro 29 et c'est tout de suite dans Happy Dance 35. Hit numéro 29. Am I the only one who's been mistaken? Cause you're the only one who keeps me waiting. Do you know how much time I would be saving if I didn't let you into my head, let you into my bed? Oh no, I've done it again. Haven't I been here before, oh Lord, my hand on my head. Haven't I been here before, here before? So stop saying that you're mine. I'ma need a better reason to be spending all my time with you. You leave me, I'll be fine. I'ma need a better reason to be wasting my time with you. Take it.

Les amis, c'était Tiësto à l'instant avec son deuxième single classé dans les 35 meilleurs tubes EDM du moment, à savoir, eh bien, Ritual. On continue avec tout de suite Rescue Me de Marshmello, c'est en fille du ring avec A Day to Remember, qui gagne d'ailleurs 4 positions en étant 25e cette semaine. On aura Avicii qui, lui, continue sa petite descente au fur et à mesure avec Even, et puis à No Letting Go, ce sera tout à l'heure avec Dirty Work, DJ Bam Bam x Steve Smooth en 23e position. Hit numéro 25. Never been safe, but never come closer. Another year down and another year older. A million fresh starts, what I needed was closure. Yeah, I lost who I was, but I found my composure. Yeah, when I found you. Numéro 24.

come to an end. But I'm optimistic about being friends. Though I made you cry, I'm undoing with Keisha and Nisha. But that one's back then. No letting go, no holding back, because you are my lady. When I'm with you, it's all of that. Girl, I'm so glad we made it. No letting go, no holding back, no holding back, no, yeah, yeah. When I'm with you, it's all of that. All of that, yeah, yeah, yeah. C'était donc le hit numéro 23 de cette semaine, Dirty Work, en featuring avec DJ Bam Bam et Steve Smooth sur No Letting Go, qui a pris 5 places cette semaine. Allez, on continue avec bien évidemment toujours autant de bons sons. Tout à l'heure, il y aura Griffin avec Carly Rae Jepsen sur OMG, qui prend 2 places cette semaine et qui arrive à la numéro 21. Et puis tout de suite, on écoute Crystal Water en featuring avec Arnaldo, ça s'appelle United in Dance. Hit numéro 22. People of the world, yeah. People of the world, yeah.

And it all comes rushing back. Les amis, ça fait déjà une heure que nous sommes ensemble. En tout cas, bienvenue dans votre émission Happy Dance 35, toujours présentée par moi-même Ismaël. C'est avec un grand plaisir que je vous annonce que nous sommes encore présents, eh bien, pour une heure ensemble avec 18 titres à écouter, puisqu'à l'instant, on a pu entendre Flume de Rushing Back. En fait, c'était Rushing Back de Flume, mais j'aime bien des fois dire des choses à l'envers, un petit peu comme Yoda. Donc, c'était le hit numéro 19. Allez, on continue toujours avec, bien évidemment, le meilleur des tubes EDM. Tout à l'heure, on aura du Griffin placé numéro 17, 15, 16. Alors, vous savez, et ben c'est numéro 15 cette semaine. All You Need To Know, donc qui gagne 3 places cette semaine et qui reste toujours dans ce top 35. Et puis on a un petit peu de la nouveauté, écoutez ça. Vous reconnaissez ce début. Imagínate. Eh oui, c'est Baila Conmigo, mais cette fois-ci, ce n'est pas de Davey, c'est une nouveauté effectivement dans ce classement. C'est Jennifer Lopez qui a repris la chanson et qui fait son entrée directement en 16e position. Et puis allez, d'ici quelques minutes, ça sera Martin Garrix, Summer Days, en featuring avec Macklemore et Patrick Stump. Mais pour l'instant, vous savez quoi? Eh ben, on va aller se faire un petit tour du côté de Duc Dumont et Zach Abel sur The Power. 10 jours de meilleure hit music with Dance Electro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. You do me, I do you, feed me lies and we'll find the truth. Feel the light, numb the pain, kiss the sky and we'll make it rain. Getting close, breaking through, confidence looks good on you. Feel the light, numb the pain, kiss the sky and we'll make it rain. I can feel the power running through my veins, getting louder, calling out my name, and it feels like sunlight in the night sky, it shines. Me lies and we'll find the truth. Feel the light, numb the pain, kiss the sky and we'll make it rain. Getting close, breaking through, confidence looks good on you. Feel the light, numb the pain, kiss the sky and we'll make it rain. Even know it.

15. I got your hands in mine, and you don't have to listen carefully. I'll tell you a thousand times anything you feel, put it all on me. All of your thoughts, I want everything. And when you get sad, like you do sometimes, put it all on me. Put it all on me. À l'instant les amis, c'est ce que nous venons tous d'écouter en featuring avec Slender et Carl Lehmann. Ça s'appelle All You Need To Know, classé numéro 15 cette semaine. Allez, on continue avec toujours plus de sons. Tout à l'heure, je vous prévois UGL avec What The Fuck, c'est en featuring avec la chanteuse Amber Vanday, toujours numéro 12. On aura aussi I'm Not Alright de Lord Luxury et Brace Vine, qui lui aussi est bien décidé de rester à la même position, bien ancré sur ses pieds, ils ont raison, donc numéro 13. Et puis en numéro 14, ça arrive tout de suite, c'est There For You de Gorgon City et MK qui gagne 2 places. Beat numéro 14. I was there for you. Wish I was holding you closer than close every day of your life. Wish I was there for you. And I wish that you were there for me too. Wish I was there for you. Thank you.

but you ain't got a crown. Be watching and learning, cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? What the fuck? Cause I show you how. Looking at me like you want my man. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Les amis, c'est toujours Ismaël avec vous dans cette émission Happy Dance 35 qui continue de vous faire découvrir eh bien, le classement des meilleurs tubes EDM du moment. À l'instant, on a écouté le deuxième titre de cette semaine, c'était Eugel, What the Fuck. On continue avec le 11e avant d'entrer dans le top 10. Alors le 11e, ça arrivera tout à l'heure, je vais pas vous le prononcer tout de suite ce que c'est, puisque en 8e position, on aura d'ici quelques minutes Kekalord, Major Lazer et J Balvin en featuring avec El Alpha. Alors Kekalor reprend un petit peu la ligne d'une chanson que vous connaissez peut-être de MC Fiotti et Topo La Mascala, ça s'appelle Pandapone, allez checker sur internet et dites-moi en commentaire là sur ma page Facebook parce que je vais vous mettre un post par rapport à ça si ça vous semble vrai. Ah, les Chainsmokers et cette chanson chantée par Bébé Rexha, encore une fois, et oui, Bébé Rexha qui est présente un petit peu partout, et ça s'appelle Call You Mine, c'est numéro 9 cette semaine et ça a gagné une place. Et puis d'ici quelques minutes, il y aura aussi Davy. Mais cette chanson, est-ce qu'on ne l'aurait pas déjà écoutée? Mais bien sûr que si, c'était tout à l'heure en numéro 16 avec Jennifer Lopez qui a donc repris cette chanson de Davy. Ça s'appelle Baila Conmigo. Et tout de suite, place aux Black Eyed Peas sur une nouveauté, c'est Rhythmo. Hit numéro 11. Spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh, nah. Al otro día volvemos. Oh, yeah. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, nah. We about to spend a dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, extremo, extremo, extremo, extremo. Ritmo. No son ni Reebok ni Sonai, no. Sin estilista luzco fly, yes. La Rosalía me dice que luzco guay. No te lo niego porque yo sé lo que hay. Lo que se ve no se pregunta, nah. Soy tu espero y tengo claro que es mi culpa. Es mi culpa, culpa. Como Canelo en el ring nada me asusta. Vivo en mi oasis y la paz no me la tumba. Hakuna Matata como Timón y Pumba. Voy pa' leyenda así que dale zumba. Los dejo ciego con la vibra que me alumbra. Haters pa' la tumba, nosotros pa' la rumba. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Tú sabes cómo lo hacemos, baby. This is the rhythm of the night. Baby, tonight's like fuego. Oh, we about to spend the dinero. Oh, yeah. We party to the extremo, baby. This is the rhythm of the night. Toda la noche rompemos. Oh,

just running through the city, drunk on the subway train. Set free every time you kiss me, we couldn't feel no pain. You looked at me and I looked at you like we never look away. Broke kids running through the city, don't let the memory fade. You said, hey, what you doing for the rest of your life? Numéro 8. Colombia, Ismaël. Vous écoutez Happy Dance 35. 5, 4, 3, 2, 1. Are you ready? Happy Dance 35. Et oui les amis, c'était donc Major Lazer à l'instant avec J Balvin et El Alpha sur Kekalor. D'ailleurs, j'espère que vous avez été checker cette musique que je vous ai partagée sur mon Facebook, à savoir celui de l'émission, hein, c'est Happy Dance 35 sur Facebook ou Happy Dance EDM, vous trouverez la page. Voilà, vous regardez, c'est Pandapon, ça s'appelle, et c'est de MC Fiotti et Topo La Mascara. Allez, en attendant que vous trouviez un petit peu de quoi je veux vous parler, on va continuer toujours avec les meilleurs hits. On se rapproche fatidiquement du top 3 de cette semaine. Y a-t-il des changements? C'est à découvrir, mais pour l'instant, d'ici quelques minutes, il y aura les Chainsmoker avec Take Away, Sam Felt, Post Malone, et puis tout de suite on va s'écouter Ellie Goulding, Close to Me, suivi de DJ Regard avec Ride It. Beat numéro 7. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party, cause we both hate everybody, we're the ones they wanna be like. So don't let me down, keep me in trouble. Born to be wild, out in the jungle. And I don't wanna be somebody without your body. Too close for comfort. I had to cut my bitch off, she being stubborn. I make it known I fuck with you, not undercover. And when I jump in, I'm burning rubber. Iced out body, didn't go to college. Price tag popping, then you wanna buy me. Don't say sorry, everyone's watching. When you're where I am, everything's timeless. And I don't wanna be somebody without your body. Close. come on Saturday. You're acting like a diva saying you don't wanna play. It's gotta be nice to stop. Raise that round. I love it when you look at me that way. Now we're in the border with Mojito at the bar. Reapply your lip because it came off from the glass. The DJ plays your favorite song. Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. After party, we still going strong. Speed so fast, like a Ferrari. We get wilder, like on Safari. We still going strong. And all of these good things. All we need, good things, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Sunrise, we are in a zone. 5 a.m. and we still are rolling in the deepest of my emotions. We are in a zone. And all of these good things. All we need, good things. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are. Just me, it's what I want. here. 3 weeks now, we've been so caught up. Better if we do this on our own. Before I love you, na na na, I'm gonna leave you, na na na. Before I'm someone you leave behind, I'll break your heart so you don't break mine. Before I love you, na na na, I'm gonna leave you, na na na. Even if I am not here to stay, I still want your heart. So you don't break mine. For I love you, na na na. I'm gonna leave you, na na na. Even if I'm not here to stay, I still want your heart. Le top 3 des hits, c'est maintenant. Vous l'avez entendu, ce fameux jingle, cette fameuse voix qui vous le dit chaque semaine, le top 3 des hits, c'est maintenant. Et bah oui, le top 3 des hits, c'est maintenant, c'est à cet instant présent que je vous donne le Saint Graal de cette semaine, qui est donc numéro 1. Est-ce encore Marshmello et Bastille, qui sont présents depuis 61 semaines et qui depuis 56 semaines étaient numéro 1? Je ne sais pas, c'est là la question. Est-ce que Higher Love est toujours numéro 2? Et est-ce que Good Things Fall Apart est toujours numéro 3? Et bah vous voulez vraiment le savoir? Arrêtons de cacher les choses, ça n'a point changé, ce sont toujours les 3 meilleures chansons, toujours dans le même ordre. Alors bien évidemment, tout à l'heure en numéro 1, on retrouvera Marshmello, Bastille. Et oui, soyons tous happier. Et c'est pas tout, il y aura aussi donc en deuxième position, c'est toujours Kygo avec Whitney Houston, la défunte Whitney Houston malheureusement, sur Higher Love numéro 2. Whitney Houston qui vous fait danser malgré eh bien sa disparition il y a de cela de nombreuses années. Tout ça grâce à Kygo, franchement ça fait plaisir. Et oui, j'aime bien des fois appeler Kygo, Kygo. Et puis toujours en troisième position, Illenium, Good Things Fall Apart. Et ça tombe bien puisque Good Things Fall Apart, c'est tout de suite avec la belle voix de John Bellion. Hit numéro 3. Did I say something wrong? Did you hear what I was thinking? Did I talk way too long when I told you all my feelings that night? Is it you? Is it me? Did you find somebody better? Someone who isn't me? Cause I know that I was never your type. Never really your type. Overthinking's got me drinking, messing with my head.